à présent, on va regarder ce que nous dit le Béline pour nos amis Balance concernant ce fameux mois de mai 2022. Quel est le message du Béline? Le conseil, peut-être? On va voir ça. Donc, pour le mois de mai, amis Balance, que se passe-t-il? Ouh! Alors, la coupe, elle est bizarre, hein? Retard sur des choses déstabilisantes, donc on va voir. Ça veut tout et rien dire. La coupe, elle donne toujours une coloration au tirage, mais bon, ce n'est pas toujours significatif. Parfois, ça l'est, ça nous permet de diriger, de donner une orientation au tirage. Parfois, ça ne l'est pas du tout. Alors, quel est le conseil pour les balances, en tout cas tout simplement le petit message du Béline pour le mois de mai. Bon, ben ça va. Ah, ben écoutez, j'ai l'impression que c'est un... Oui, je comprends mieux la coupe retard sur le fait que quelque chose puisse vous secouer, vous déstabiliser. En fait, ici, ça parle de quête de paix, surtout par rapport à votre santé. Et j'ai l'impression que pour le moment, en tout cas au mois de mai, vous allez vraiment sentir une fatigue accumulée ces derniers temps. Elle s'est accumulée ces derniers temps et vous allez donc davantage la ressentir au mois de mai. Et donc, heureusement, tout simplement, c'est un conseil ici que vous donne le Béline. Il vous dit que la solution, c'est la chouette. La chouette, c'est quoi? La sagesse, la patience, la modération. Donc, ne vous énervez pas sur des choses qui traînent. Ce n'est pas utile d'user vos nerfs. La modération, une bonne hygiène de vie, essayer de réguler le sommeil, d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Et surtout, prenez un peu de recul avec les émotions parce que vous êtes quand même dans une période où vous arrivez un petit peu au bout de certaines choses et vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Et au mois de mai, ce sera peut-être l'occasion de faire un petit week-end prolongé. Mais dans ce cas-là, c'est pas pour faire la fête, amis Balance, vous aimez beaucoup faire la fête. Mais là, ce sera vraiment, il faut vraiment que vous vous reposiez. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça devrait vraiment bien se passer. Vous devriez retrouver l'équilibre et surtout pouvoir vous ouvrir davantage aux autres, parce que j'ai l'impression que vous risquez de devoir vous isoler un petit peu pour mieux vous ressourcer, mais vous retrouvez les autres, vous qui êtes très sociable, pleinement par la suite. C'est pour mieux les retrouver ensuite. Voilà. Donc, repos, patience, modération, au mois de mai, profitez des rayons du soleil. Alors, à bientôt, amis Balance.